L'agitateur au paradis par Henri Falck. Je venais de mourir, d'épuisement, sans aucun doute. Après avoir pris la parole 15 soirs de suite en réunion publique, dénoncé jusqu'à la phonie les privilèges de l'élite, proclamé jusqu'au râle les revendications de la masse, j'étais entré me coucher, exténué. Et comme j'étais en droit de m'y attendre, je venais de passer de vie à trépas. Je ne devais pas être un trop méchant homme, car je me trouvais expédié d'une traite à l'entrée du paradis. Saint-Pierre consulta une liste et m'introduisit dans un grand vestiaire où j'échangeais ma défroque humaine contre un uniforme d'ange, robe lumineuse, harpe et grandes ailes. Je devenais en même temps ange moi-même, un fort bel ange, ma foi, joufflu, rose et bouclé. Le saint concierge du paradis m'en donna la libre pratique et je pénétrai dans un lieu quasi indescriptible, mais dont je voudrais tenter de donner une idée, ne fût-ce que pour l'opposer aux descriptions si précises de gens qui n'y entreront peut-être jamais. Le mot « lieu » dont je viens d'user est impropre, car le paradis ne se trouve pas dans l'espace. Des êtres immatériels comme les anges n'ont en effet pas besoin de l'espace pour se mouvoir. Et se mouvoir est encore une impropriété, car l'expression se rapporte implicitement à l'encombrante notion d'étendue. Voici donc ce qui était. Une irradiation de mon être ouvrait devant moi le paradis. De mon cheminement naissait mon chemin, de mon rayonnement mon domaine. Bref, je me faisais assez l'effet d'une lanterne qui créerait la route qu'elle éclaire. Comme il est dur d'exprimer sa pensée hors des catégories de l'espace et du temps. J'espère avoir fait sinon comprendre, du moins sentir ce qui était. Que voyais-je? Rien d'humainement exprimable, rien de ce que proposent aux mortels ces images grossières du paradis qui ne sont que l'idéalisation de paysages terrestres. Point de source, point de nuages, point de fleurs. Point de source, mais l'écho de leur plus doux murmure. Point de nuages, mais l'haleine de la brise qui les berce. Point de fleurs, mais l'émanation de leur plus exquis parfum. Et parmi les murmures, la brise et les parfums, je plane avec délice et non sans effarement. Il me semblait percevoir comme une lointaine symphonie. Je continuais de voguer, seul, harpe en main, dans l'extension paradisiaque, lorsqu'enfin une irradiation vint se conjuguer à la mienne et j'aperçus, passant près de moi, un autre ange que je m'empressais d'aborder. « Pardon, confrère. » Il me répondit avec suavité. « Je vois que tu es à nouveau. » « Appelle-moi Frédéraël. Nous nous désignons ici par nos prénoms. Comment t'appelles-tu ? Arthur. L'ange Arthur. C'est assez harmonieux. Je crois que tu garderas ton prénom. Moi, je m'appelais Frédéric. C'était âpre. Et je suis l'ange Frédéraël. Que désires-tu de moi, Arthur ? Savoir où je trouverai du monde. Dirige-toi vers la musique. Tu rencontreras l'assemblée. Tu pourras te joindre au chœur. Et tu chanteras, tu joueras de l'harpe tout à ton aise, jusqu'au moment où tu éprouveras le besoin d'un peu de solitude. Vois-tu, le paradis est un séjour charmant, mais, je ne suis pas le seul à le dire, plutôt monotone. Si tu savais, Arthur, toujours de l'harpe, toujours des cantiques, toujours de la béatitude, les premiers temps c'est délicieux. Mais ensuite, ça manque d'imprévu, ça manque... de dame, hé hé. Il baissa candidement les yeux. Oh, Arthur, il n'y a plus ici ni messieurs ni dames, il n'y a que des anges, connais-toi toi-même. Et je connus qu'il disait vrai. Je repris. Enfin, vous vous ennuyez? C'est-à-dire que nous accepterions avec bonheur d'être un peu moins bien heureux. Oh, seulement de temps en temps. Je comprends. Vous voudriez bien faire à l'occasion un petit tour de purgatoire. Voilà. Mais pas moyen. Qui part d'ici perd sa place. » Et, m'ayant ramené jusqu'au seuil, il me montra un avis tracé au-dessus de la porte en lettres de clarté. « On ne délivre pas de sortie. » Rêveur, Frédéraël contemplait, par l'entrebâillement de lui, la ronde des sphères dans l'espace matériel. « Parions, fis-je, que tu as envie de retourner sur la terre ?»« Oh, je le pourrais, » dit-il, « à titre d'ange gardien, mais je n'y tiens guère. » Risquer d'être attaché pour longtemps à une personne antipathique qui ne vous donne pas même une pensée, qui peut vous faire souffrir, pleurer. Non, conclut-il avec un soupir, j'aime mieux retrouver mes doux compagnons. Et nous nous en fûmes, planant de compagnie. Chemin volant, il me demanda, que faisais-tu sur la terre? De la politique. Oh, dit-il de sa voix suave, tu as dû entrer par erreur. N'importe, nous voici rendus. Formant par le rayonnement comme un cirque immense de lumière, les bienheureux musiciens, tournés vers une clarté éblouissante qui s'élevait jusqu'à l'infini, touchaient de leurs doigts légers les cordes harmonieuses et chantaient les louanges célestes. Ceux qui ne jouaient ni ne chantaient prêtaient l'oreille, puis, à intervalles réguliers, prenaient la place des musiciens ou des chanteurs qui se taisaient à leur tour, puis ceux qui s'étaient tus recommençaient, l'intervalle écoulé, le chant ou la musique. Puis, « Et ainsi de suite, » me dit Frédéric, « pour l'éternité. »« Tu comprends nos griefs, Arthur. » C'est alors qu'en plein paradis, mon naturel d'agitateur jaillit soudain de ma qualité d'ange. Le mot de grief, la vue de cette assemblée, me suggérèrent l'idée d'un meeting, et me lançant au centre du cœur, « Citoyens, m'écriai-je, nous en avons assez !» Les radieuses phalanges, étonnées, s'agitèrent. Sur des harpes moururent égrenées des accords. Des murmures, des souffles surpris circulèrent. Les chants s'éteignirent. M'appuyant sur ma harpe, comme sur le bord d'une tribune, je poursuivis avec éclat de ma belle voix grasse d'agitateur. Je m'offre à prendre en main, citoyens, la cause des revendications angéliques. Nous allons dresser le cahier à la face de votre exploiteur. Nous réclamons le purgatoire hebdomadaire. Nous réclamons l'abolition de la harpe et l'introduction dans le concert céleste du cor, du trombone et de l'ocarina. Et si le patron ne fait pas droit à nos aspirations légitimes, je vous propose, citoyens, des mesures énergiques, arrêt complet du service de louange, sabotage des instruments de musique, grève générale des ailes croisées. En attendant, lock-out sur l'impie, tonna une voix formidable. Les anges, frémissants, s'agenouillèrent. Un éclair déchira la clarté et la voix retentit encore. « Ange déchu, en enfer !» Immédiatement, je fus emporté dans une chute vertigineuse dont la vitesse m'arracha ma robe, mes ailes, ma harpe et mes cheveux blonds. Je m'abîmai dans l'horreur noire. Déjà, le seuil du paradis perdu n'était plus qu'une lueur dans la nuit. La gueule rouge de l'enfer en fusion projetait vers moi son haleine empestée, ses langues de flamme. Tête basse, je m'y précipitais. Soudain, un choc épouvantable. Je crus que mon crâne volait en éclats. Je venais de donner du front contre le marbre de ma table de nuit et je me réveillais, geignant, me frottant la tête. J'avais rêvé. Au fond, je ne regrette pas trop de n'être point mort. Il faut l'avouer, à ma honte, je ne me sens pas mûr pour le paradis, pour ce que j'ai rêvé comme étant le paradis. Pour copie conforme, Henri Falque.